إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنواصل ما بدأناه بعد صلاة المغرب، وهو حق الله على العباد. ونحن مع كلام للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يبين فيه أهمية هذا الحق وأهمية التوحيد. Nous continuons ce que nous avons entamé après Salat al-Maghrib en parlant du monothéisme et des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes avec des paroles de Cheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala qui nous montrent l'importance du monothéisme et surtout dans les situations difficiles que traverse la communauté. يقول حفظه الله ولو أنهم تمسكوا بدينهم وأقاموا توحيدهم وعقيدتهم على الكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا لما حل بهم ما حل. قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فبين أي بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يحصل النصر للمسلمين إلا بهذه الركائز التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعل سائلا يقول نحن نصلي نحن نزكي ونصوم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا، هل نصلي كما أمرنا الله؟ هل نصلي وفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فالأعمال لكي تقبل عند الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من الإخلاص، ولا يكفي، لا بد كذلك من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نحن حقيقة نحقق قول رسولنا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهل نحقق في حجنا خذوا عني مناسككم، أي نعمل النسك وفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ها، لا بد أن نسأل أنفسنا، هل نتوضأ من توضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلأنه عندما ترى ما كان فيه صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ومن كان على نهجهم، كيف كان لهم العز وكيف كان لهم الشرف، كيف كانت لهم القوة، كيف مكنوا في الأرض؟ ها؟ لماذا؟ لأنهم أقاموا الدين كما أراد الله ووفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا أعيدها أقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، لن يصلح ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صح؟ يجب أن نحدث أنفسنا، كيف صلح أول الأمة؟ صلح بتحقيق التوحيد، صلح بتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلح بتحقيق سورة الحديث صلوا كما رأيتمون يصلي، كانوا يصلون، كان الصحابي يأتي الناس في مكان أو يتبع ويقول سأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحققون الإخلاص ويحققون المتابعة. فهذا الواجب علينا في كل مكان، إذا أردنا أن نخرج من النكبات وأن نخرج من كل ضيق ومن كل غم ومن كل هم، وأن تكون لنا العزة والشرف والتمكين، لا بد أن نقوم بالدين كما أراد الله ووفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهنا الله عز وجل revient aux paroles du Cheikh Fawzan حفظه الله تعالى qui dit ici ils se cramponnent à leur religion. Si ils se cramponnaient à leur religion et qu'ils accomplissent le monothéisme et que leur aqida soit une aqida qui est basée sur le livre d'Allah et l'authentique de la sunna, et s'ils se cramponnent au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna, et s'ils ne s'y divisent pas, ils ne leur arriveraient pas ce qui leur est arrivé. Les malheurs dans lesquels ils sont ne seraient pas arrivés. Hein? Parce que il cite le verset, il dit Allah fera triompher ceux qui le font triompher, c'est-à-dire ceux qui font triompher la religion d'Allah comme le veut Allah, Allah il les fera triompher, car il a la grande puissance et la puissance qui n'a pas de limite. Et il dit d'eux, ceux à qui on a donné le pouvoir sur terre, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils accomplissent la prière. Hein? Ils s'acquittent de la zakat, ils ordonnent le bien, ils blâment le mal. Et Allah, la fin de la situation appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh de nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans ce verset comme quoi le triomphe ne serait arrivé aux musulmans qu'avec ses piliers qu'il a cités dans le verset. L'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Beaucoup parmi nous peuvent se poser la question, est-ce qu'on ne prie pas? Est-ce qu'on ne s'acquitte pas de la zakat? Est-ce qu'on ne fait pas le pèlerinage, etc. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce qu'on prie comme le veut Allah? Est-ce que dans notre prière, on accomplit le hadith du prophète alayhi sallam? Priez comme vous m'avez vu prier. La question doit être ainsi. Est-ce que notre dos, on le fait comme il nous l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, celui qui fait le dos comme je l'ai fait, comme mon dos. Est-ce qu'on accomplit les rites du pèlerinage comme nous l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Et ainsi de suite. Hein? Parce qu'il faut se poser la question, pourquoi la première génération de l'islam a eu le triomphe? Pourquoi ils avaient la puissance? Pourquoi ils avaient les honneurs? Pourquoi ils sont rentrés dans l'histoire par sa plus grande porte? Hein? Parce que dans leur prière, on se retrouve avec le hadith « Priez comme vous m'avez prié ». Ils étaient la mise en application du hadith « Priez comme vous m'avez prié ». Dans le dos, la même chose. Dans les rites du pèlerinage, la même chose. À tous les niveaux, dans le fait d'ordonner le bien, d'ordonner le mal, ils étaient conformes à la sunna et à la voix du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, et c'est pour ça que l'imam Malik, il disait, je répète la phrase encore une fois, une phrase que, hein, on connaît tous, il faut l'avoir à notre esprit et la mettre en application. Ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. C'est le début de cette communauté, ce n'est pas les révolutions, ni les manifestations qui ont fait son bien, abadan. Mais c'est un accomplissement de la religion, exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala, dans un suivi aveugle du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça qui a fait leur triomphe. C'est ça qui leur a donné cette suprématie. Et c'est ça, c'est avec ça qu'ils ont géré le monde entier. Lisez l'histoire de cette communauté. Vous allez savoir comment cette communauté, son honneur, il est où? Il est dans cette soumission totale à Allah, dans un suivi aveugle du messager alayhi salatu wassalam, dans le fait d'accomplir la voie de nos plusieurs, d'Allah alim, qui n'est pas le fait d'accomplir la voie de nos plusieurs, d'Allah alim, qui sont les compagnons et ceux qui le suivent, à la perfection, ce n'est pas un sérogatoire, c'est une obligation. Hein? ويقول حفظه الله أين هذه الأمور في واقع المسلمين اليوم؟ أين الصلاة عند كثير من المسلمين؟ انظر أخي الإسلام، انظر قوسين، انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. ها؟ فانظر في مشارق الأرض تدخل سير شمال افريقيا ولا جيل نيت لهنا لاوروبا في الموبيتي دخل شوف الصفوف كيعوجين. ها لا تسولن صفوفكم او لا يخالفن الله بقول لا البعض يقول لك اش هاد الجزئيات هادي؟ هاد الجزئيات هي الدين اخ الاسلام. السنة هي الدين والدين هو السنة. ها؟ فلا بد. نريد ان نخرج من الخلاف فيجب ان نطبق ما امرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانها دعاء من رسول الله. يا اما تسويوا الصفوف لا يخالف الله بين قلوبكم. اختار. فاش بغيتي تكون انت سبب؟ تكون انت سبب باش يخالف الله سبحانه وتعالى بين القلوب ديال المسلمين؟ ها؟ من يريد منا ان يكون سببا في اختلاف المسلمين؟ فعدم تسوية الصفوف هذا العام الظاهر يجعل يؤثر على الباطن ويجعل الاختلاف اخ الاسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ابدا، انما هو الصادق المصدوق الذي تكلم بوحي وبين لنا كيف يجب علينا ان نكون لكي نحظى برضوان الله سبحانه وتعالى، لكي نحظى بالشرف وبالعزه. فمن الله عز وجل الشيخ دو نوزير وسون شي سوز دون لا رياليتي دو لا كوميونيتي مسلمان دي مسلمون اجوردي ولي لا بريير شي سي بوكو دو مسلمون سيغتان لانيغليج نو لا فون ميم با. ها؟ مي روغارد تو سامبلومون جوفر اون بارونتيز تو دي روغارد الرسول صلى الله عليه وسلم دي او فوز الي فير دي رون دروا والله يل فا ديفيرجي فو كور لو حديث يل سور كوم دعاء او فوز الي اليني لو دروا او الرسول صلى الله عليه وسلم لا في الدعاء الله يل فا ديفيرجي فو كور. ها؟ اي روغارد تو فا اترافير لا بلانيت او نور او سود اكسيتيرا et tu regardes les ronds, tu rentres dans une mosquée, tu regardes les ronds comment ils sont. Hein? Regarde les ronds comment ils sont. Tu veux que tu sois une des causes pour que, les, que la communauté, pour que les cœurs des musulmans soient en divergence. Ben, on agissons ainsi. Nous n'accomplissons pas le rang comme on le doit, ben, on est une des causes. Rasoul Salah ne parle pas de ses propres passions. C'est une révélation. Il est le véridique qui n'a dit que la vérité et qui nous a montré ce qui va nous prévaloir, l'agrément d'Allah. L'honneur, il a supprimé ainsi. Il ne dit pas, ça c'est une petite chose. Yahi, cette chose, cette petite chose que toi tu dis une chose, il est énorme chez Allah. Si la sunna de ton messager, alayhi salam, il la sunna, si la religion et la religion, si la sunna. Et il est comme l'arche de Nuh, alayhi salam. Celui qui l'accomplit sera sauvé. Et celui qui ne l'accomplit pas, hein, c'est le contraire qui lui arrivera à l'islam. Il faut qu'on revienne à nous-mêmes pour savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre communauté. Car le changement, comme j'ai dit tout à l'heure, doit venir de nous-mêmes, de chacun individu parmi nous. Regarde comment on accomplit cette religion et qu'est-ce qu'on veut. Hein? Il dit, حفظه الله تعالى, بل أين العقيدة الصحيحة عند كثير من يدعون الإسلام. انظر أخي, اذهب إلى مصر, إلى المغرب, إلى الجزائر, إلى تونس, إلى سوريا, أين, في الفلبين, في كذا, وفي أماكن تسمى بحج المسكين, وفي أيام الحج يطاف حول القبور ويذبح لها وكذا, ويقاف في أماكن تسمى بعرفة المسكين. ها؟ وانظر انت الموالد هي غاد تبدا دروكا المواسم, انظر ماذا يفعلوا عند القبور وعند الاضرحه, ذبحوا لغير الله, الوعدات والزردات, ها, الذبيحه لغير الله, والذبح لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى. اي اللي حفظه الله تعالى ويلي لا لي كرويونس اوتونتيك شي بوكو دو مسلمون اي سون او. Et ceci est véridique, ces questions que, avec lesquelles nous interpelle Cheikh Fawzan Hafidallah sont véridiques. J'ouvre une parenthèse. Tu sais qu'à travers la planète, il y a des endroits qu'on appelle le pèlerinage du pauvre. Ça existe au Maroc, en Algérie, ça existe à travers la planète, en Égypte, en Syrie et aux Philippines, hein, et un petit peu partout, des endroits au moment où il y a le pèlerinage à la Mecque pendant le... Hein, la période du pèlerinage, ben on fait les mêmes rites là-bas. Les endroits qu'ils appellent Arafat, Mina, il y a comme là-bas des tentes qui se dressent. Et on est mort pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-Nahr, on est mort pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça le pèlerinage du pauvre. Et regarde ce qui va se passer bientôt là. Hein? Les festivals annuels de ce qu'on appelle les saints patrons des villes. hein, autour des mausolées, à travers l'Afrique du Nord et partout. Hein. Combien de bêtes se gorgent pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de gens se prosternent pour la tombe? Ils font des nudur pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Tout ceci est une réalité. Ceci est une réalité. Hein? ويقول حفظه الله وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لكن أين الشرط لهذا الوعد؟ يقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين يقول الشيخ فبين أن هذا الاستخلاف وهذا التمكين لا يتحقق إلا بتحقيق شرطه الذي ذكره وهو عبادته وحده لا شريك له. وهذا هو التوحيد. فلا تحصل هذه الوعود الكريمة إلا لمن حقق التوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له. وعبادة الله تدخل فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع الطاعات. Et il dit, Habibullah Ta'ala, en revenant à la parole de Cheikh Fawza, il cite le verset. Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et fait bonne œuvre, qu'il va les faire succéder les uns derrière les autres sur terre, et il va donner la puissance à leur religion, comme il l'a fait pour ceux avant vous, et il va donner la puissance à votre religion qu'il vous a agréée, il va changer votre peur en sécurité. Et il dit, Habibullah Ta'ala, mais où est la condition pour cette promesse? La promesse, elle est là, mais c'est quoi sa condition? Et il est où cette condition? Et il dit, il m'adore sans me faire aucun associé. Yaqul Habibullah. Et là, il nous a montré que le fait de pouvoir d'être digne pour succéder les uns aux autres sur terre et pour avoir la puissance sur terre, ceci ne serait être accompli qu'en ramenant la condition Allah subhanahu wa ta'ala cité, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça, c'est le monothéisme. Il dit ces promesses, ces nobles promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala ne seraient accomplies pour les musulmans sauf s'ils ramènent cette condition qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas lui faire d'associés. Et dans l'adoration rentre beaucoup de choses. La prière doit être faite pour Allah et uniquement pour Allah. Le jeûne, la zakat, le hajj et toute forme d'obéissance. Yaqul, wa lam yaqul subhanahu wa ta'ala ya'budunani faqat, bal a'qaba dhalika bi qawlihi la yushrikuna bi shay'a. Lianna al-ibadata la tanfa' ma'a wujud al-shirk. Bal la budda min ijtinab al-shirk. أيا كان نوعه وأيا كان شكله وأيا كان اسمه وهو صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. Il dit حفظه الله تعالى qu'Allah سبحانه وتعالى dans ce verset il a dit il s'est pas arrêté tout simplement qu'il m'adore tout simplement là il a dit qu'il m'adore et il l'a suivi qu'il ne fasse aucun associé dans leur acte d'adoration. Il dit parce que l'adoration ne peut pas être bénéfique à la personne avec la présence de l'associationnisme. Qu'il est obligatoire de s'éloigner de l'associationnisme, de toute forme d'associationnisme. Hein? Et n'importe que ce soit le nom qu'on lui donne, parce que certains sont devenus des spécialistes pour changer les noms des choses, et pour appeler l'associationnisme avec d'autres noms. Hein? Et l'associationnisme, c'est le fait de vouer une part de l'adoration qui est réservée à Allah à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله هذا هو سبب النجاة والسلامة والنصر والتمكين في الأرض صلاح العقيدة وصلاح العمل وبدون ذلك فإن العقوبات والنكبات والمثلات قد تحل بمن أخل بشيء مما ذكره الله من القيام بهذا الشرط وهذه النكبات وهذا التسلط من الأعداء سببه إخلال المسلمين بهذا الشرط وتفريطهم في عقيدتهم ودينهم واكتفاؤهم بالتسمي بالإسلام فقط. يلجح حفظه الله تعالى ça c'est la cause pour être sauvé pour avoir la paix, pour avoir le triomphe, pour avoir le pouvoir sur terre. Une aqida authentique et une bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est celle qui est faite sincèrement pour Allah et qui est dans le suivi du messager alayhi salatu wasalam. En dehors de ça, il n'y aura que le châtiment, que la défiguration qui va arriver et qui peut arriver à tout un chacun qui a négligé quelque chose. Ah, parmi les conditions que Allah subhanahu wa ta'ala a citées. Et il dit, le fait que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala soient derrière les musulmans, sa cause, c'est la négligence des musulmans de leur religion. Et c'est qu'ils ont, ils ont négligé cette condition qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont négligé leur aqida, leur religion. Et ce sont, certains se sont contentés d'être, de s'appeler musulmans tout simplement. Il dit Havidah Allah ta'ala. Il s'arrête ce que je voulais de la parole de Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah. Et de là, l'islam يتبين لك أهمية التوحيد وأهمية الاعتناء بحق الله سبحانه وتعالى ويتبين لك أهمية تصحيح العقيدة وتصحيح العبادات والرجوع إلى ما كان عليه الصحب الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين Partant de là, frère en Allah, Zawjal t'apparaît clairement l'importance du droit d'Allah, l'importance du monothéisme et l'importance d'authentifier les croyances et de corriger les adorations et de revenir à la voie sur laquelle étaient nos plusieurs droits d'Allah qui sont Muhammad alayhi salatu salam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Fakhal l'islam, يجب علينا أن نؤدي حق الله. ويجب علينا أن نؤدي الحقوق فإذا أدى الإنسان حق الله ولم يؤدي حق الزوجة فهو عاص لله سبحانه وتعالى فخون الله عز وجل إلي أوبليغاتوار pour nous de s'acquitter des droits d'Allah et de l'accomplir et si on accomplit le droit d'Allah سبحانه وتعالى on n'accomplit pas le droit de sa femme et de ses enfants on dit oublie Allah أخا الإسلام. Et si on s'acquitte des droits d'Allah et on accomplit le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne s'acquitte pas du droit du voisin, on a désobéi à Allah. Et si on s'acquitte du droit de nos femmes et du droit de nos enfants et on est négligent vis-à-vis des droits d'Allah, on est désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est obligatoire pour nous de s'acquitter de tous les droits et qu'on donne à tout un chacun son droit. Le droit d'Allah qui est le plus important, le droit de la sunna, le droit du messager, le droit des parents, le droit de la... et ainsi de suite. Hein? فحق الله سبحانه وتعالى أخا الإسلام هذا الحق العظيم هو الذي خلقت من أجله البشرية الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون إلا ليفردوني بالعبادة إلا ليطيعوا أوامري ويجتنبوا نواهي فهذا الذي خلقنا له هذا هو ابتلاؤنا نحن والجن دونك فهنا الله عز وجل pour ce géant droit et pour ce droit qui est la base des bases et la fondation des fondations, c'est pour ça que les créatures ont été créées, les jeunes et les humains, pour accomplir le monothéisme. Je n'ai créé, dit le verset, je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. Et pour réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous ordonne l'obéissance. Et pour ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'éloigner de tout ce qu'il nous interdit. C'est pour ça. Notre épreuve, il est là. Réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas lui désobéir. Allah subhanahu wa ta'ala amara bihada al-haq faqal. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي الناس كلهم الناس جميعا مأمورون أسود وأبيض وأمريكي وسعودي ريفي وسوسي كلهم يجب أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى في العباد وهذا أول أمر في كتاب الله فرع عندما تفتح الكتاب بعد الفاتحة تقرأ في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يبين لك صفات القرآن وبعدها يبين لك صفات المؤمنين وبعدها صفات الكافرين وبعد صفة المنافقين وتأتي إلى الآية العشرين ويبدأ أول أمر في كتاب الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء ثم بعد أول نهي ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أول أمر الأمر بالتوحيد أول نهي في كتاب الله نهي عن الشرك يدلك على عظم حق الله سبحانه وتعالى أنه يجب أن نتنبأ لهذا الأمر وأن نقوم به لأنه أصل الأصول في حياتنا أصل كل خير هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى فقال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أخذني Nous avons donné dans le Coran et dans maintes versets ce géant droit, cette fondation qui est la plus importante des fondations dans la vie du musulman, dans la vie des humains, dans la vie des génocides. Il dit dans le verset « Ô gens, adorez Allah, adorez votre souverain, c'est-à-dire réservez le culte exclusivement à votre souverain qui vous a créé, ainsi que ceux avant vous, et ainsi vous allez atteindre la piété. » Et ça, c'est le premier ordre qu'il y a dans le Coran. Quand tu ouvres le Coran, tu lis le Fatiha et après tu commences le Baqara. Donc tu vois au début Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne certaines descriptions du Coran, après certaines descriptions des croyants, après certaines descriptions des mécréants, et une grande description des hypocrites, et il arrive au verset 20, et c'est là le premier droit arrive aux gens, c'est-à-dire tous les gens, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, saoudiens, américains, rifains, ceux-ci, peu importe. Il est obligatoire pour eux d'obéir à Allah et de réserver le culte exclusivement à Allah. Dans le même verset, il y a la première interdiction, qui est le fait d'interdire le contraire du monothéisme, qui est l'associationnisme. Cela te prouve l'importance de ce droit, et qu'il faut lui donner son importance, et qu'il faut l'accomplir, et qu'il faut s'éloigner de son contraire, qui est l'associationnisme. « Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a » Et adorez Allah et ne lui faites pas d'associer. Et tu as ainsi beaucoup de versets qui t'ordonnent l'accomplissement de la religion, de l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala sans lui faire d'associer. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Amr. Alla yu'bada illa hu subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans l'autre verset, et ton souverain a ordonné le fait qu'il lui faut lui réserver le culte exclusivement. Un ordre. فالغاية من خلق الخلق إخوة الإسلام أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا هذا حق الله على العبيد هذا حق الله على العبيد من أجل هذا الحق خلق الله السماوات وخلق الأراضين وخلق كل شيء من أجل هذا الحق من أجل أن يعبد وحده من أجل أن يوحد ولا يشرك به C'est pour ce droit, frère en Allah, Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé toutes choses, pour qu'il soit adoré exclusivement, qu'on ne lui fasse pas d'associé. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam, thumma istawa 'ala al-'arshi yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi. Dhalikumullahu rabbukum fa'buduh, afala tadhakkarun. الآية يبين لك في الله سبحانه وتعالى قدرته وربوبيته عز وجل واستواءه على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وأنه المدبر لكل شيء ويأمر بعبوديته عز وجل يأمر بعبادته وحده بإفراده بالعبادة et dans le verset il dit c'est votre souverain qui a créé les cieux qui a créé la terre en six jours et s'est établi au-dessus de son trône. Un établissement qui sied à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une élévation qui sied à la majesté et à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il gère toutes les situations. Personne ne peut intercéder chez Allah subhanahu wa ta'ala sans son ordre. Sans son ordre. Ça, c'est votre souverain. Ça, c'est le seul que vous devez adorer. Adorez-le, il est dit dans le verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre sa puissance et comment il a créé les cieux comment il a créé ce géant univers qu'on ne peut limiter qu'on ne peut pas limiter et il nous a montré sa grandeur et sa majesté dans ses actes et dans sa création et il nous a ordonné le fait de lui réserver le culte et de ne pas lui faire d'associé. فذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وتأتي الآية هكذا تبين لك عظمة الله، تبينك بأنه الإله الفرد الصمد الذي يجب إفراد العبادة له، وتنبهك على أنه يجب إفراد الله، يجب تحقيق حق الله سبحانه وتعالى. يعني السي nous interpelle dans le Coran, ça c'est Allah, c'est le seul que vous devez adorer, c'est votre souverain qui est le seul digne d'être adoré, qui a créé toutes choses, adorez-le. من أجل هذا الحق سبحانه هذا الحق العظيم الذي هو حق الله سبحانه وتعالى أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذا الحق. أنزلت الكتب وأرسلت الرسل. Et pour ce droit, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, les messagers ont été envoyés, les livres ont été descendus min Allah azza wa jalla. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أي فاعبدون. ينزل الملائكة بالروح الوحي، سماه الله روحا لأنها به حياة الروح. ينزل هذا الوحي لا من يشاء من عباده، من اصطفى من رسله، اش يديروا به؟ انذروا به انه لا اله الا الله، انه لا معبود بحق الا الله فاعبدوه. ها دونك سي بور سا ك الله سبحانه وتعالى انفوي لي ميساجي انفوي ا ديسوندي لي ليفر لي دي دون لو فيرسي لي زونج il fait descendre les anges avec l'âme. L'âme ici concerne la révélation. Il l'a appelée âme parce que c'est avec ça que vit l'âme humaine et l'âme des jeunes. Il vit avec la révélation. Hein? Et il descend cette révélation sur qui il veut, ceux qu'il a choisi parmi ses messagers alayhi salatu wassalam. Pour faire quoi? Pour avertir les gens qu'il n'est digne qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul digne d'être adoré. Adorez-le. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء دعوتهم هذه التوحيد. كل الأنبياء من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. Il est dit dans le verset, nous, chaque messager que nous avons envoyé avant toi, lui avons révélé qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez-le. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et les versets se répètent pour montrer l'importance de ce droit qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Adorez Allah exclusivement et évitez tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la base de la religion de tous les prophètes alayhi salam et de tous les messagers. Le monothéisme, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أجل هذا الحق خلق الله الجنة والنار. فمن أدى حق الله دخل الجنة ومن أعرض عن حق الله وضيع حق الله دخل النار. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour son droit il a créé le paradis et l'enfer. Celui qui s'acquitte du droit d'Allah ira au paradis, et celui qui néglige le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui donne le dos au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ira en enfer. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ أَنْ يُعْرِضْ وَيُضَيِّعْ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ أي عن حق الله ويستكبر فسيحشرهم إليهم جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهؤلاء هم الذين أدوا حق الله وحققوا حق الله ووحدوا الله سبحانه وتعالى فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا أي الذين ضيعوا حق الله وأعرضوا عن حق الله فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هكذا تأتيك الآيات وتبين لك ما أكرم الله به سبحانه وتعالى من حقق حقه عز وجل، وتبين لك كذلك ما سيقع بمن أعرض عن حق الله وضيع حق الله سبحانه وتعالى. يزيد في الفيرسي celui qui donne le dos, qui néglige et qui ne donne pas l'importance et qui se détournent de l'adoration d'Allah et qui s'enorgueillent, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les réunir tous. Quant à ceux qui ont cru fait bonne œuvre, et ceux-là, ce sont ceux qui ont accompli le droit d'Allah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner leur récompense. Il va les combler de ses bienfaits. Il va leur donner plus que leur récompense. Quant à ceux qui n'ont pas accompli le droit d'Allah, qui se sont détournés du droit d'Allah, qui l'ont négligé, ben ceux-là, il va les châtier d'un énorme châtiment. Ils ne trouveront aucun allié en dehors de Allah. Personne ne va les faire triompher. Et ainsi les versets sont nombreux à te montrer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui ont accompli ce droit. Ils sont là aussi pour t'avertir et pour te montrer ce qui va arriver et ce qui est arrivé dans ce bas monde avant l'au-delà à ceux qui ont négligé ce droit et qui ne l'ont pas accompli, qui ne lui ont pas donné l'importance. وهذا الحق أخا الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له يبدأ من سن التكليف وحتى الموت ولا يسقط عن العبد إلا بذهاب عقله أو بخروج روحه قال عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وحد ربك أطع ربك حتى تموت من سن التكليف إلى موتك ولا يسقط عنك أبدا إلا بخروجه إلا بالجنون ولا إلى خرجة الروح فقط. Et ce droit qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, est obligatoire pour tout un chacun de nous à partir de l'âge de puberté jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ta mort. Et tu en es exempt ou l'a dispensé si tu es atteint de la folie ou la lame il sort, la mort arrive. Tout simplement. Sinon, tu dois l'accomplir jusqu'à la dernière respiration de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie, tu dois l'accomplir. Car le verset, il dit, « Et adore Allah jusqu'à ce que la mort te prenne. Jusqu'à ce que la mort arrive et te prend. » وَهَذَا الْحَقْ لَا يُقْبَلُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَّا بِالْشَرْطَيْنِ لَا يَقْبَلُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَّا إِذَا تَوَفَّتْ فِيهِ شُرُوطُهُ Et ce droit, il n'est accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec deux conditions. Au jour de la résurrection, il sera accepté mais avec ces conditions. S'il y a une des conditions qui manque, il ne sera pas accepté. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل العبادات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة لا بد من الإخلاص في كل عمل. أن تخلص أعمالك لله سبحانه وتعالى. Et la première des conditions, c'est la sincérité. Tout acte d'adoration que tu accomplis, tu l'accomplis sincèrement pour Allah. Il dit dans le verset, il aura été ordonné d'accomplir l'adoration sincèrement pour Allah, et qu'ils soient dans le monothéisme, et qu'ils accomplissent la prière, et qu'ils s'acquittent de la zakat. Et ça, c'est la religion de droiture. فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص الله سبحانه وتعالى لا يقبل الا ما كان خالصا الا ما كان خالصا il dit dans l'autre verset et adore Allah sincèrement dans la religion, c'est-à-dire accomplis la religion, ta religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui qu'une religion qui accomplit sincèrement pour lui. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Et ainsi les versets se suivent pour te montrer l'importance de la sincérité et du fait d'accomplir les actes sincèrement pour Allah. Le Rasoul صلى الله عليه وسلم dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Le Rasoul صلى الله عليه وسلم dit nous dire certes les actes ne valent que par leur intention et à chacun la pension qu'il a. Hein? Chaque être humain sera pris par son intention. والشرط الثاني اخي الاسلام ان يكون عملك موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الرسول فقد اطاع الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et la deuxième condition, frère en Allah Azza wa Jal, que tes actes d'adoration soient conformes à la sunna de ton prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit dans le verset, dites, si vous aimez Allah, suivez-moi Allah, il vous aimera et pardonnera vos péchés. Et ça, c'est un verset que les hommes de science appellent le verset de l'épreuve. Des gens ont prétendu aimer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les a prouvés ainsi que nous-mêmes par le fait de prouver cet amour. Comment? En suivant le messager alayhi salatu wassalam. Aimer le rasoul sallallahu alayhi wassalam, c'est pas faire les fêtes de Mouloud. Abadan, ceci est une innovation. الحب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي الدعاء مرة في العام الحلوى والشطح والرديع في الزاوية أبدا هذا من البدع في دين الله عز وجل mais l'amour du prophète عليه الصلاة والسلام c'est de le suivre d'accomplir ce qu'il nous a ordonné d'accomplir et d'accomplir la prière comme il nous l'a ordonné et de suivre et d'être conforme à sa sunna. Et il est dit dans notre verset, celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Donc, obéissance à Allah passe par l'obéissance du messager, alayhi salatu wassalam. Si on n'obéit pas au messager, ça veut dire qu'on n'a pas obéi à Allah. Si on désobéit au messager, on a désobéi à Allah. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui fait une œuvre sur laquelle n'a pas notre enseignement, ben il lui sera rejeté. Dire une œuvre qui n'est pas dans la sunna du prophète alayhi salam, qui n'est pas dans les enseignements du prophète alayhi salam, n'est pas acceptée min Allah azza wa jal. Les hommes de science donnent une image aux actes pour qu'ils soient acceptés. Ils les actes se comptent comme les ailes pour un oiseau. L'oiseau, il ne peut pas voler sans ses deux ailes. Un badan. Là, une seule aile, il ne peut pas voler. C'est impossible. Il ne va pas faire un centimètre de la terre, il ne le fera pas. La même chose, nos actes. Si on a la sincérité, il n'y a pas le suivi, ça amène nulle part. Si on a le suivi, il n'y a pas la sincérité, ça amène nulle part. Donc, il est obligatoire pour nous de réunir dans nos actes la sincérité, là, que l'acte soit fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة في آخر سورة في آخر آية من سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هذا العمل الصالح ما هو الموافق للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحد هذا الإخلاص فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في هذه الآية سورة الكهف فيها الشرطين قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه أحسن العمل وأخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما الخالص وما الصواب قال الخالص ما ابتغي به وجه الله والصواب ما وافق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصواب ما وافق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم une question a été posée à Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala concernant le verset qui est dans sourate al-Mulk pour vous éprouver qui fera la bonne œuvre. Il a dit c'est quoi la bonne œuvre? Il a dit l'œuvre qui a été faite sincère et qui est dans le mille. Il a dit, c'est quoi l'œuvre sincère et dans le mille? Il a dit, l'œuvre sincère, celle qu'on a faite exclusivement pour Allah, et pour avoir la récompense min Allah, et dans le mille, celle qui est conforme à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. نقف عند هذا الحد إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا